Il demeure dans l'appareil avec un sublimateur, ou alors au moins l'intention de le faire payer moins cher pour concurrencer les députés, tu comprends le système. Pas le droit de chez, mais ça dit là quand même d'une concurrence intégrable faite à l'administration des postes. Ce qui fait que tout s'est aggravé, c'est que le gouvernement de 1979 a confié ce vieux alphabet en plein temps.